Vous écoutez La Croche-Oreille. Eh bien, salut tout le monde, bienvenue à La Croche-Oreille, Gaëtan Gosselin au microphone depuis le studio de CKRL 89.1 qu'on peut aussi syntoniser sur la toile à ckrl.qc.ca pour celles et ceux qui sont à distance de Québec. C'est le commissaire du parcours sonore du Festival international de musique actuelle de Victoriaville, nul autre qu'Éric Dorion, qui m'a mis sur la piste de mon invité de ce soir, Nadie Larchet. Je me souviens qu'Éric soulignait tout le lustre de ses installations sonores et sa grande maîtrise du bidouillage numérique, la qualifiant de couteau suisse des dispositifs sonores complexes. J'ai eu le grand plaisir de partager un bout de conversation avec Nadie Larchet il y a quelques semaines à propos de ses dernières performances sonores, à propos aussi de ses engagements dans la communauté artistique et de ses projets en cours. Nadie est une artiste multidisciplinaire, originaire de Fermont, sur le grand territoire de la Côte-Nord. Elle vit maintenant en Chaudière-Appalaches. Elle détient un diplôme universitaire de premier cycle en arts visuels et médiatiques de l'UQAM, ainsi qu'une maîtrise en arts visuels de l'Université Laval, pour laquelle, et là je le souligne, elle a reçu le prix d'excellence René Richard au terme de ses recherches. Elle œuvre dans le domaine des arts numériques et sonores. Elle privilégie l'installation et la performance en temps réel. Elle fait aussi évidemment du travail de composition. Son travail a été présenté dans le cadre de spectacles et au sein de nombreuses expositions au Québec. Nadie Larchet mène également des activités de formation. Elle est très engagée au développement de la création et de la diffusion artistique en région. Elle a d'ailleurs participé à la création du collectif Excentré, un collectif d'artistes de cette région qui s'active à la diffusion et à la promotion des arts en Chaudière-Appalaches. Alors voilà, assez dit pour l'instant. Parole à Nadie Larchet qu'on reçoit ce soir à La Croche-Oreille. Nadie Larchet, bienvenue à l'émission. Très heureux de te rencontrer. C'est un plaisir partagé. Nadie, je lance ça comme ça parce que ça me fascine un petit peu, mais est-ce qu'on peut dire que ton nom de famille était prédestiné aux arts sonores? Nadie Larchet, tout de même, c'est magnifique comme nom de famille. Est-ce qu'il était prédestiné? Je ne sais pas. Je l'ai détesté longtemps quand j'étais jeune. Puis finalement, en fait, c'est un peu drôle parce que mon nom de famille, c'est... un jour, j'ai fait un peu à la blague, je me suis dit, dans une installation, je vais utiliser des archets juste pour rire de mon nom. Et bien, c'est à partir de ce moment-là que la lancée s'est faite, en fait. C'est à partir de cette blague-là que j'ai trouvé un filon dans lequel je me suis insérée depuis quelques années déjà. Puis finalement, est-ce que c'était prédestiné ou j'ai décidé de l'utiliser à bon escient? À voir. Est-ce que tu étais déjà un peu musique avant d'être art sonore ou si tout ça... arrive un peu inopinément dans ton cheminement d'artiste? Parce qu'au départ, je ne crois pas que tu visais nécessairement les arts sonores. Non, en fait, tu sais, la musique a toujours été présente dans ma vie, mais de manière un peu, en parallèle, avec mon père, on bidouillait de la musique, mais vraiment à l'oreille quand j'étais jeune, mais c'était toujours très présent, j'ai toujours été une grande mélomane, puis ensuite, j'ai travaillé près du milieu de la musique émergente aussi à Montréal pendant plusieurs années, c'est vraiment, comme je dis, la musique a toujours fait partie de ma vie, je me suis intéressée, j'ai joué quand j'étais plus jeune de plusieurs instruments, j'ai pas créé d'expertise dans rien, mais je zigonne un peu dans tout. Puis non, c'est arrivé un peu quand on est un jeune artiste, on est aux études, on travaille, on fait des choses, puis en prenant du recul, j'ai fait « Ah, le son est quand même très présent assez souvent. » Puis quand j'y pense, tu sais, mes premiers projets médiatiques, je mettais une grande importance au son sans m'en rendre compte. Puis voilà, fait que ça, c'était pas prédestiné. Puis à un moment donné, il faut se rendre compte de qu'est-ce qui nous allume sans qu'on s'en rende compte. Et il y a aussi cet intérêt que tu as développé parallèlement là, aux arts sonores, un intérêt très grand, très fort pour les technologies en tant que tel. Et c'est toujours un peu ma question traditionnelle, mais quel a été le moment d'éveil à cet intérêt-là pour la chose technologique, la culture numérique et tout ce qui environne là, nos univers désormais, je vais dire ça comme ça? Oui, bien en fait, tout le côté électronique est une fascination qui date de longtemps. Là, quand j'étais toute jeune, j'étais un enfant, j'en démontais des machines parce que je voulais comprendre comment ça fonctionne. Là, j'en ai si démonté, puis essayer de tester les limites des machines. J'avais des petits tape recorders, puis de voir, c'est ça encore là, avec le son, mais voir où est-ce que je suis capable de jouer avec le système, que ce système-là génère du son. Et je suis capable de contrôler les machines, ça date de loin. Mais je dirais au niveau de mon travail artistique, c'est vraiment dans mon parcours universitaire que je me souviens un jour d'être assis dans un cours où est-ce qu'il y avait des performances sonores qui utilisaient les technologies. Et là, ça a fait comme, OK, non, moi c'est là que je m'en vais. Puis ça a été comme ça. Puis j'ai juste été à l'écoute de ce qui s'est présenté à moi par la suite, là. Puis l'intérêt pour les technologies, à la fois, j'ai un grand intérêt, puis je suis aussi technocritique, là. Je suis très, avec mes enfants, très contrôlante par rapport aux écrans. Je suis très inquiète par rapport aux technologies de surveillance et tout. Fait que c'est toujours comme un combat éthique aussi, l'utilisation, puis cette présence-là, cette omniprésence-là, plutôt, des technologies, là, autour de nous. Nadie, pour se mettre un peu dans l'ambiance de ton travail sonore, de ton travail artistique, on va écouter un extrait d'une performance que tu as présentée en octobre dernier à Méduse, qui s'intitule « Palonnier ». Et puis, on poursuit notre échange par la suite. Alors, on écoute ça. Nadie, les arts sonores, on le comprend, on regarde ta production, c'est une passion. Comment tu décrirais ton univers sonore, ta philosophie, ce qui t'anime là, fondamentalement dans cet univers artistique-là? Je dirais que je le travaille un peu en dichotomie. C'est toujours dans une posture de réflexion ou d'observation par rapport à un monde qui nous entoure. Puis je dirais, dans un certain créneau, j'utilise le son comme matière d'inconfort. Donc, j'aime utiliser le son, en fait, perdre le contrôle sur mes créations sonores et dealer avec des affaires qui ne me plaisent pas nécessairement, puis essayer de rentrer en communication avec ça. Puis, tu sais, souvent, quand je travaille de cette manière-là, c'est vraiment en prenant une posture critique, que ça soit sociopolitique, que ça soit environnementale. C'est vraiment mes craintes et mon propre inconfort là, que je viens travailler par le biais du son. Donc, tu sais, il y a toujours un aspect un peu... pas fini, mal contrôlé, dissonant. C'est voulu, mais je ne le contrôle pas nécessairement. Puis j'ai quelques projets sonores aussi, puis je ne sais pas pourquoi je le dis ceci, qui est un petit peu plus documentaire ou anthropologique. Tu sais, je vais parler avec des gens, discuter, interroger des questions avec d'autres personnes. Puis on dirait dans ce type de pratique-là, je travaille le son d'une manière totalement différente. La notion d'inconfort est moins là. Je suis vraiment en essai d'une traduction de ce que la personne essayait d'exprimer. Puis, tu sais, je me détache un peu de ça. Fait que je dirais que c'est un peu mes deux manières vraiment bien distinctes de travailler le son. Dans cette perspective-là, de ce que tu racontes sur ton univers, cet intérêt pour à la fois les questions esthétiques, mais aussi les questions politiques, et ainsi de suite, on va écouter un extrait d'une performance que tu as présentée, qui a été présentée par Excentré. C'était à Saint-Benoît-Labre, c'était en septembre 2021, je te rappelle des affaires-là. Et ça s'intitule « Décalage ». Et on va revenir sur cette idée de décalage que tu exploites là, depuis quelque temps. Alors, on écoute cet extrait de performance. Thank you. Nadie, on vient d'entendre cette pièce qui s'intitule « Décalage ». Décalage au pluriel, là, c'est un mot qui revient, entre autres, dans ton projet de thèse de maîtrise que tu as réalisé à l'Université Laval. Elle a pour titre, cette thèse-là, « Loin des yeux, près du corps », un titre vraiment intéressant. J'aimerais ça que tu nous racontes l'histoire de ce projet à la fois d'études et de création. Bien, à la base, quand j'ai commencé ma maîtrise, je venais de déménager d'un lieu où est-ce que la qualité de l'air m'a rendue très, très, très malade, que ça m'a vraiment handicapée. Puis c'était à cause de champignons qui étaient pris dans le sol du bâtiment. Puis on s'entend quand on a une condition physique imposée comme ça, bien, ça nous habite. Puis en même temps, je questionnais mon rapport à cet événement-là. Puis je suis partie faire ma maîtrise en voulant parler de cette affaire-là, en fait. Puis, de fil en aiguille, on part avec, c'est toujours comme ça. Je pars avec une idée super précise, je veux faire quelque chose, puis après ça, bien, on est à l'écoute de ce qui se présente sur notre chemin. Puis, après ça, c'est que j'ai eu la chance de faire ma maîtrise en résidence, en fait, à Avatar, grâce à un programme de l'Université Laval, là, de maîtrise en résidence. Donc, bon, d'emblée, on arrive là-bas, puis j'imagine, comme plusieurs artistes, on a envie d'essayer ce fameux piano du clavier, piano contrôlable MIDI. Puis, j'ai fait mes premières expérimentations comme ça, à partir de captations de CO2 dans l'air sur des parcours donnés que je transposais, en fait, en partition pour le piano. Puis de là, j'ai comme développé un peu un intérêt sur le travail, sur la dénaturation du travail de l'instrument de musique. Puis par la suite, j'ai fait un petit appel de « OK, j'aimerais ça trouver d'autres instruments » et on m'a offert un violoncelle, un violon, une mandoline et plein d'autres objets qui a composé un premier corpus. Donc là, j'ai travaillé avec ces instruments-là. Puis au fil des réflexions, en fait, je me rendais compte que mon travail n'était pas seulement une critique d'un enjeu environnemental, mais c'était surtout une posture, comme je disais, de décalage entre des faits scientifiques et ma propre perception, puis aussi entre une intention, puis ce que le fil d'un projet puis nous donner. Fait que c'est vraiment de jouer vraiment sur cet interstice-là entre deux états des choses. Donc, cette notion-là de décalage, puis en prenant du recul, je me suis rendu compte qu'elle fait partie de mon travail depuis longtemps, cette notion de décalage-là. Puis, puis c'est ça, donc je continue aussi, malgré, j'interroge d'autres territoires maintenant, mais la notion de décalage, elle est tout le temps là. Mm-hmm. Nadie, on va écouter un extrait de ce projet, de ce projet de réflexion, mais aussi qui donne lieu à une création qui s'intitule « Loin des yeux, près du corps ». On écoute un extrait. Voilà ce qui complète la première demi de l'émission avec Nadie Larcher. Restez des nôtres, on est de retour avec vous après un bref, très bref battement promo. Hi, this is Robbie Krieger from The Doors. Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. And you are listening to CKRL FM 89.1 in Quebec. Girl, you gotta love your man. Girl, you gotta love your man. Take him by the hand. Vous écoutez La Croche-Oreille. Alors, on est de retour, c'est La Croche-Oreille, jusqu'à 22h sur les ondes de CKRL, le 89.1, la radio, il va sans dire qui aime le son. Je vous rappelle que vous retrouverez le titre des pièces entendues ce soir sur le site La Croche-Oreille. Vous trouverez ça facilement sur la toile. Vous y retrouverez aussi les émissions antérieures, archivées, pour écoute quand ça vous tente. Alors, au programme ce soir de cette deuxième demi, la suite de ma conversation avec l'artiste sonore Nadie Larchet, une artiste qui explore depuis quelques années maintenant les impacts invisibles de l'activité humaine sur le monde en général et surtout sur nous, citoyens de la Terre. Sa thèse de maîtrise universitaire qui met en relation la pollution atmosphérique avec nos perceptions relatives à l'environnement est vraiment un bel exemple des réflexions qui alimentent les créations de Nadie. L'interactivité, le potentiel électronique et la matière sonore, évidemment, accompagnent généralement ces processus de recherche qui aboutissent sous la forme d'installations sonores, parfois contrôlées, d'autres fois auto-contrôlées. Je souligne, entre autres, que la Fabrique culturelle de Radio-Québec a réalisé un magnifique topo d'un de ses projets réalisés sur la Côte-Nord et dont elle nous parlera ce soir dans quelques instants. Je mettrai d'ailleurs le lien sur le site de La Croche-Oreille. Voilà, c'est dit. On poursuit cet entretien chaleureux que m'accordait Nadie Larchet il y a quelques semaines. Nadie, bon, j'ai eu l'occasion d'écouter quelques entrevues que tu as données et les origines pour toi sont importantes, tes racines, on va dire ça comme ça, tu es une fille de la Côte-Nord et tu as réalisé en 2019 un projet plutôt ambitieux de documentation sonore. Tu l'as dit tout à l'heure, quasi ethnographique, quasi sociologique. Tu as réalisé dans la foulée de tout ça une installation qui s'intitule Le cœur ici, la route des baleines. Là encore, j'aimerais que tu me parles de ce projet. En fait, ce projet-là, je dirais que celui-là, il rentre vraiment dans mon créneau, c'est ça, très plus documentaire, un peu plus doux, hein, c'est au final, ce qui apparaît. Je dis un peu plus doux, mais il y a toujours des petits côtés dissonants qui sont là. Mais en fait, j'ai interrogé un peu mon propre rapport à mon territoire de provenance, parce que tu sais, je viens de la Côte-Nord, mais pas du coin ouest que j'ai investigué pour ce projet. T'sais, à la base, je viens de Fermont, puis... on parlait de la notion de décalage, là. T'sais, moi, ma vie à Fermont, dans une ville minière, où est-ce que, les enjeux climatiques, des fois, sont pas trop mis de l'avant, d'être une jeune personne avec un côté un peu plus activiste, dans un milieu un peu plus minier et consumériste, là, c'était... Ce décalage-là, je l'ai vécu fort, t'sais, puis ce qui a fait en sorte que j'avais envie de le quitter parce que je sentais que comme artiste, comme créateur, j'avais peut-être pas nécessairement ma place ou je n'étais pas capable de la prendre, en fait. Puis c'est ça, mais j'ai quand même gardé, j'ai toujours un attachement très, très fort au territoire et maintenant, ma famille a déménagé du côté de cette île, donc je retourne souvent sur la Côte-Nord. Puis c'est ça, en fait, je voulais voir, en fait, qu'est-ce qui maintenait les gens sur ce territoire-là. Puis c'est ça, donc je suis partie, c'est un mois et demi, là, un peu nomade entre Tadoussac et Kegaska à aller parler à des gens sur leur attachement au territoire. Parce que je voulais faire un panorama un peu de qu'est-ce qui maintient les gens sur un territoire qui, sur une région éloignée, qui des fois a peu de ressources à certains niveaux. Puis aussi, de quoi les gens étaient fiers de ce territoire-là. Voir, tu sais, c'est un peu toujours, pas en comparaison, mais tu sais, on est toujours, je me comparais un peu, tu sais, où je voulais peut-être renouer aussi avec ça, aller retrouver des choses que j'ai peut-être pas vues à l'époque où est-ce que j'y habitais. Puis c'est ça, donc pendant un bon moment, là, je suis allée parler à plusieurs personnes qui ont été extrêmement généreuse de me partager autant des moments très historiques que des aspirations, que vraiment, là, c'était des superbes rencontres. Puis au final, là, ce projet-là a été présenté au sein d'une installation interactive à la salle Jean-Marc Dion, où est-ce que les gens, c'était un peu comme des algues qui étaient suspendues là, près des bouches de ventilation, fait que c'était une installation un peu, à la fois cinétique, involontaire, tu sais, c'était la ventilation du bâtiment qui faisait bouger, mais c'était intentionnel de les mettre là, et s'approchait, les gens s'approchait de petites stations suspendues qui déclenchaient des petites pépites de témoignages. Des fois, je parlais 3 heures avec la personne, mais je voulais aller rechercher comme la phrase qui, pour moi, illustrait le mieux la conversation qu'on avait eue. Et aussi, c'est ça, quand je suis arrivée dans la salle, il y avait un piano public, un peu défraîchi qui traînait là, puis qu'on me dit « Ah, on va l'enlever! » Non, est-ce que je peux l'utiliser? » Donc, vu que ce piano-là était là, je suis allée agrémenter mes petits témoignages de juste de petites notes douces de piano, puis sur le piano en soi qui finalement devenait le cœur de l'installation, je le voyais un peu comme une épave, j'ai installé des moteurs sur les cordes graves, puis quand les gens rentraient dans la salle, il y avait des capteurs qui déclenchaient ces moteurs-là, et le son des moteurs sur les cordes faisait vraiment comme des bruits de bateau. Donc les gens rentraient avec un bruit de bateau qui provenait du piano, mais c'était purement mécanique, Puis ça donnait vraiment le ton parce que je dirais que 90% des gens sur le passage, c'est vraiment pourquoi le nom la route des baleines, j'ai vraiment longé le fleuve, ben l'attachement au fleuve était très très très présent là, fait que ce piano là par hasard est venu faire un tout cohérent là avec l'installation. Oui. D'ailleurs, Nadie, la Fabrique culturelle a réalisé avec toi un très beau documentaire où on voit là, de manière particulière là, des détails de l'installation. Et nous, ce soir, on va écouter un enchaînement de propos que tu as recueillis dans le cadre de ce projet intitulé « Le cœur, ici, la route des baleines ». Alors, on écoute ça. On habitait à Pointe-le-Belle, ben à notre chalet. Là. De ma fenêtre, là, le matin, je voyais les vagues là, et le soleil qui reflétait. On aurait dit des diamants dans l'eau. Je me dis, être fier de la place où est-ce qu'on vit, qu'on soit jeune ou grand, c'est à nous de développer notre fierté. Je veux dire, de pas attendre que les autres disent « t'as une belle ville ». Il faut que toi, tu trouves que t'as une belle ville. Si t'es fier de ta ville, ben ça se contamine, ça se voit, ça se ressent. Fait que si on les... Quand tu es en plein milieu du bois, ce qui t'entoure, c'est plus grand que toi. C'est vrai, ça existe là, maintenant. Il faut que tu t'en occupes là, maintenant. Fait que ça ramène comme l'horizon des pensées à ce qui se passe à la terre. Reconnecter un peu avec mes racines, puis de l'avoir de la nature autour de moi, puis de l'espace, puis de la mer, parce que c'est le fun des lacs, mais c'est pas la même chose. C'est comme ça, le temps, parce que je sais pas comment l'expliquer, mais tu sais, moi, je vois mes journées, puis je voudrais que le rythme est bon, puis que j'ai conscience de ce qui se passe, puis tout ça, alors que des fois, je pense que vite, ça passe tellement vite que tu perds le fil, tu sais, des fois. C'est mon grand-père qui a fait ça. Ah oui? La maison aussi, là. Mon grand-père. Le père de papa. Fait que, il est mort à 92 ans, 93 ans. On a été élevés ensemble. On a été élevés dans la même maison. combien de livres? 38 familles ou 38 personnes? 38 personnes? On est à peu près 80 l'été. 80 l'été. Mm-hmm. Mais là, ils vont venir rester ici, mais ils sont à la retraite. Ça permet de s'entourer avec des gens qui ont un mode de vie qui est beaucoup plus sain, à mon avis. Puis qui profitent de la nature quand ça passe. Chaque saison apporte son petit quelque chose de particulier, que ce soit pour aller à la chasse à la pêche, du fruit ou champignons. Nadie, l'installation prend une place tout de même importante dans ton travail sonore. Comment ça surgit, un projet chez Nadie Larcher? Comment ça démarre? C'est le fruit d'un hasard, d'une rencontre? Qu'est-ce qui enclenche le processus? Mon Dieu, je dirais que c'est vraiment un amalgame de plusieurs choses. En fait, souvent... Je dirais que l'amalgame le plus fréquent, c'est... là, je réfléchis comme ça, tout haut. C'est quand que une fascination technologique avec un propos sociopolitique arrive en même temps dans ma tête. Là, il y a comme un match qui se fait et de là, découle une installation. Mais je veux dire, des projets dans ma tête, là, je dois en pondre genre 5-6 par jour. Là. mais c'est ça, certains, des fois, sont plus pertinents ou cohérents. Donc, c'est ça, c'est vraiment... ou des fois, c'est juste je m'arrête sur une idée, sur une des multiples idées qui traversent mon esprit. Mais c'est vraiment une association entre, je dis souvent, entre technologie ou technique et une observation ou, tu sais, je dis une observation où je produis beaucoup en réaction à quelque chose. Tu sais, quand que je vois quelque chose, tu sais, une aberration politique ou, tu sais, ça date de loin, là, que je produis en réaction à quelque chose, ça date du début de mon cégep même, puis c'est ça, fait que c'est vraiment c'est comment les réactions face au monde me font Ouais, c'est ton aspect un peu contestataire là, dans le travail artistique. Nadie, pour clore notre rencontre, dis-moi quels sont là, les projets qui sont sur ta table de travail actuellement. Est-ce qu'il y a quelque chose là, qui surgit de manière plus évidente ou bien tu es dans une période de recherche? Raconte. Non, mais en fait, je vois, j'ai quelques projets là, en soi qui... j'en ai plusieurs, je dirais ceux qui prennent mon esprit. Bien, j'ai un petit projet composition sonore là, pour un projet de médiation avec certains musées de la ville de Québec. Donc, c'est ça. Là. Fait que là, je suis en mode composition et recherche de textures sonores. C'est toujours des beaux moments, ça, ces petits moments d'exploration-là, mais que je dois produire, avoir un produit fini. J'ai aussi une double résidence qui va s'en venir au cours de la prochaine année là, avec un centre d'artistes de Québec et un centre d'artistes de Montréal pour une diffusion qui va avoir lieu à Montréal aussi. Là c'est, les annonces ne sont pas officielles, donc je ne les dis pas. je dis pas les noms, mais ça va s'en venir. Sur un projet techniquement assez ambitieux et aussi en réaction de situations de vie assez prenantes qu'il y a eu dans les dernières années. Là. Donc, je dirais que c'est un beau gros défi qui s'en vient, mais un projet... c'est un projet qui m'allume beaucoup. C'est ça, là, j'ai quelques projets aussi en phase de développement au niveau composition. Là, j'aimerais, dans la prochaine année, une de mes missions, c'est de faire un album. J'ai toujours des petits projets sonores dispersés, mais de faire un corpus un peu plus travaillé. Là, ça fait partie des plans de la prochaine année. Puis aussi, j'ai toujours mon organisme excentré, en fait... un organisme que j'ai cofondé en 2021 avec mes collègues là, Alain Lapierre, John Blouin et Marie-Esther Poulain, qui est un organisme dédié aux arts médiatiques, un organisme nomade dédié aux arts médiatiques en Chaudière-Appalaches. Donc, c'est sûr que ça aussi, ça fait partie de mes priorités. L'entrepreneuriat aussi est un peu comme de la création pour moi. Là. Ça fait autant partie... Le côté entrepreneur est autant, fait autant partie de moi que le côté artiste. Puis là, de pouvoir lier mon créneau artistique à une mission d'organisme, là, c'est vraiment stimulant, en fait. Nadie, à la fois artiste, contestataire, mais très, très engagée dans la communauté en général et surtout la communauté artistique. Nadie, grand merci de m'avoir accordé cette rencontre ce matin. C'était très agréable. Mais merci à toi pour l'invitation. C'était un plaisir. Thank you. Alors voilà ce qui complète l'émission pour ce soir en compagnie de l'artiste sonore multidisciplinaire Nadie Larchet, que je remercie chaleureusement de nous avoir permis l'écoute de ses œuvres qu'on retrouve notamment sur son site Internet. Je vous rappelle que vous retrouverez la liste des pièces entendues ce soir et les références sur le site Lacroche-Oreille. Vous trouverez ça facilement sur la toile. Je vous rappelle que c'est le mois multi, alors on peut y fréquenter des œuvres sonores vraiment intéressantes. Je pense à Béchard Hudon, à l'Espace 400e. Alors, une invite, c'est tout le mois de février, en tout cas une bonne partie du mois de février. Ratez pas ça, allez voir le site. Sur ce, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre aventure sonore. Au microphone, Gaëtan Gosselin qui vous salue.